La vieille du cinéma. Nouvelle inédite par Vicente Blasco Ibáñez. Le commissaire de police regarda durement la femme aux cheveux blancs qui s'était assise devant son bureau sans y être invitée. Puis il inclina la tête pour lire la feuille que lui présentait un agent debout près de son fauteuil. « Scandale dans un cinéma !» fit-il tout en lisant. « Insulte à l'autorité, attentat contre un agent, qu'avez-vous à dire ?» La vieille, qui jusqu'alors avait les yeux fixés sur le commissaire et sur son subordonné, peut-être sans les voir, eut un mouvement de surprise, comme si elle s'éveillait. « Monsieur le commissaire, je vends des légumes tous les matins rue Lepic. » « Je n'ai pas de magasin, mais une baladeuse. Tous les gens du quartier me connaissent. Voilà 40 ans que j'y mène ma bagnole. » Le policier voulut l'interrompre, mais elle se fâcha. « Si monsieur le commissaire ne me laisse pas parler, on s'explique comme on peut, et suivant ses moyens. » Le commissaire s'accouda sur un bras du fauteuil et les yeux en haut, se mit à jouer avec son coupe-papier. Il était habitué aux délinquants verbeux qui ne finissent jamais de parler. Patience ! En 70, pendant l'autre guerre, continua la vieille, j'avais 22 ans. Mon mari était garde national pendant le siège de Paris et moi, cantinière de son bataillon. Dans une des sorties contre les Prussiens, ils blessèrent mon homme et je lui sauvai la vie. Alors, il fallut trimer pour nourrir un mari invalide et une fille unique. Et puis, mon homme mourut, et ma fille aussi, en me laissant 2 petits-enfants. Elle fit une pause pour constater si on l'écoutait. Elle n'en était pas sûre. L'agent demeurait immobile et silencieux, comme un bon soldat, près du commissaire qui sifflotait, en agitant le couteau de bois, les yeux au plafond. « Ma petite fille, continua la vieille impassible, se nomme Juliette. Elle danse dans les théâtres et c'est une femme célèbre. Monsieur le commissaire doit avoir vu bien des fois son portrait dans les journaux et sur les affiches. Je ne la vois que de temps en temps. Un matin, je menais ma baladeuse, son auto m'a presque culbuté. Ça l'a fait pleurer. Elle disait que c'était de ma faute, parce que je ne veux pas vivre avec elle. » Et que je m'entête à vendre mes légumes comme quand Juliette et son frère étaient petits. Mais qu'est-ce qu'on est ? Moi, pauvre femme, je n'aime pas la manière de vivre des artistes. C'est-il mal, monsieur le commissaire ? Le commissaire avait cessé de siffloter et il regardait la fruitière avec un certain intérêt. Il devait connaître sa petite fille, la célèbre danseuse. Il allait la questionner à son sujet quand la vieille continua. Mon chouchou a toujours été Albert, qui était ouvrier, qui aimait les livres. Moi, malgré que j'aime l'indépendance, j'allais tous les matins chez lui. J'aidais sa femme, je jouais avec son gosse. Un arrière-petit-fils, jugez quelle joie, monsieur le commissaire. On n'arrive pas toujours à être arrière-grand-mère. Elle s'arrêta un instant, comme sous le charme de doux souvenirs. « Ah, les bons jours de la paix » ajouta-t-elle. « Un dimanche, on s'en fut à la campagne. On mangea au bord de la Seine pour fêter la montée en grade d'Albert, nommé contremaître de son usine. » 2 semaines après, la guerre éclata. Le commissaire fit un geste que la vieille pris pour de la fatigue. Oui, je sais bien que nous avons 4 ans de guerre et que tout le monde est fatigué de parler de ça. Je n'insisterai pas, monsieur le commissaire. On m'a dit que jusque dans les théâtres et les journaux, on en a assez de la guerre. Et puis, mon histoire est celle de tant de femmes. Albert alla rejoindre son régiment au premier jour de la mobilisation. Je ne l'ai revu qu'un an après. Quand il revint du front, habillé en soldat. Et il est revenu, encore une fois. J'avais fini par m'habituer à cette situation. Je m'imaginais que les autres pouvaient mourir, mais pas mon Albert. Un jour, je reçus un papier qui nous fit pleurer, moi et sa femme. Puis, un camarade de mon petit-fils va nous apporter quelques objets qui lui avaient appartenu. La voix de la vieille devint rauque. « Je ne l'ai plus vue, monsieur le commissaire, ils me l'ont tué !» Mais, se rappelant sa promesse, elle fit un effort pour se calmer et ne plus parler de la guerre. La veuve d'Albert travaille maintenant dans une usine de guerre de l'autre côté de Paris, et je ne peux voir mon arrière-petit-fils que de loin en loin. Et puis, pourquoi ne pas le dire? Depuis que mon Albert est mort, j'aime entrer à la buvette plus souvent qu'autrefois. On tue sa peine comme on peut. Je suis sur mes 60 ans, et à cet âge-là, quand il faut se lever, avant le petit jour pour aller aux halles centrales, acheter la marchandise. Un petit verre de temps à autre est encore le meilleur remède. C'est-il pas votre avis, monsieur le commissaire ? Le policier ne répondit mot pour faire comprendre à la vieille l'importunité de sa question. Elle continua avec une certaine précipitation. C'était l'indice qu'elle approchait de la partie la plus intéressante de son récit. Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, j'ai été à la buvette avec le père Crinquebille. Monsieur le commissaire doit le connaître. Ses malheurs sont écrits dans les livres et les comédies. Ce nom parut éveiller un vague souvenir dans la mémoire du fonctionnaire. Cette affirmation que l'on avait composé des livres sur ses aventures le fit réfléchir un instant. Mais bientôt, il haussa les épaules et fit un geste d'incrédulité. Son histoire, continua la vieille, a été écrite par un nommé Monsieur Anatole, qui travaille de l'autre côté de la Seine dans un atelier de savant. Un palais avec une coupole où l'on donne les trucs du beau parler à l'usage des riches. Le commissaire se redressa dans son fauteuil sous l'effet de la surprise. Cet atelier de savant au bord de la Seine était sans doute l'Académie française. La maison à coupole, l'Institut et le nommé Anatole ne pouvaient qu'être Anatole France. Mais il existe donc le père Crinquebille ? Demanda-t-il sceptique. Je le connais depuis 30 ans, monsieur. Nous ne vendons pas dans les mêmes quartiers, mais nous nous voyons tous les matins en faisant nos achats. Et la nuit, on se rencontre dans les mêmes caboulots. Un homme qui n'a pas de chance. Maintenant, ses affaires vont mal. Il ne travaille guère. Il sait trop de choses. Son protecteur lui en a beaucoup appris. Il me les raconte. Et quand j'ai du temps, je vais à la buvette l'écouter parler. Elle fit une pause avant de reprendre son récit où elle l'avait interrompu. Je dis qu'on s'est rencontrés le soir chez le Mastroquet. On est sorti à 9 heures et sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée à la porte d'un cinéma et j'ai eu l'idée d'y entrer. J'ai été attirée par une affiche où on voit une Alsacienne qui se défend contre un Allemand féroce. Moi, j'adore ces histoires-là. Je suis très patriotarde. C'est peut-être parce que j'ai vu deux guerres. Mais ne parlons pas de ça. Le père Crinquebille n'a pas voulu entrer, malgré que je payais. Je ne sais vraiment pas ce qui lui plaît. Tout le fait rire d'un air de pitié. J'entrais seule, et peut-être du mauvais pied. Est-ce que monsieur le commissaire n'a pas remarqué comment tout va mal, il y a des fois, et quand on veut faire plaisir, on offense les gens, comme si le diable nous menait. Le commissaire ne daigna pas répondre. Je me suis fâchée avec la dame du guichet pour une histoire de pièces de monnaie, bonnes ou fausses, et j'ai discuté aussi avec celui qui ramasse les billets, parce qu'il a pris sa défense. Dans la salle, même des veines, mes voisins grognèrent en disant que je faisais trop de tapage à mon entrée. mauvaise volonté de leur part, car moi, je n'aime pas gêner les gens. Une pimbèche près de moi osait dire que je sentais le vin. Un autre insolent dit « Elle est un peu forte, la petite mère. La chaise est-elle assez large pour elle ?» Je leur répondis « Comme je sais le faire. » Et le public se mit à crier contre moi et à prétendre que je troublais le spectacle. Si j'ai voulu me taire à la fin, c'est parce que l'histoire de l'Alsacienne et de son persécuteur était commencée. Oh, une histoire intéressante. Je vous la conterai bien, monsieur le commissaire. Mais je crains de vous ennuyer. Et puis, je ne sais pas comment elle se termine. Et on ne m'a pas laissé voir la fin. Le commissaire s'était remis à regarder le plafond et à siffloter tout bas pour distraire son impatience. Un monsieur qui était derrière moi et qui paraissait s'y connaître donnait à voix basse ses opinions aux voisins. Bientôt, l'Alsacienne filait au front, après avoir échappé à son poursuivant, et on commençait à voir les tranchées, avec beaucoup de soldats, les cuisines, les canons. Un de ces soldats écrivait une lettre sur ses genoux et présentait le dos au public. Peu à peu, il tourna la tête et sourit aux gens. J'ai cru d'abord que j'avais la berlue et puis j'ai crié. C'était mon petit-fils! Je me levai pour le mieux voir. Je voulais aller vers mon Albert. Peut-être que je passais entre les personnes un peu trop vivement. Le public a dû se figurer que je faisais des farces. Alors voilà les employés qui s'amènent et un tas de gens qui me barrent le passage. On n'a pas voulu entendre mes explications. On croyait que j'étais saoule. Je finis par me battre à coups de poing avec ceux qui me poussaient vers la porte. Ils appelèrent l'agent que voilà. Ils disent que je l'ai outragé, que je lui ai mordu la main. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. C'est vrai que ce monsieur m'a expulsé avec des bourrades et qu'il n'a pas voulu me laisser voir plus longtemps mon Albert. Elle fit une longue pause. Ses yeux commencèrent à se mouiller. « Voilà !» termina la vieille. « Comme j'ai revu mon petit-fils !» Je demande pardon à monsieur le commissaire. Je demande pardon à monsieur le sergent. Elle baissa la tête, joignit les mains et regarda le plancher en se réfugiant volontairement dans le silence, en se confiant au sort sans se défendre davantage pendant que les larmes commençaient à courir le long de ses joues. Le commissaire, sans proférer un seul mot, tourna les yeux vers l'agent qu'il avait près de lui, un vétéran avec la croix de guerre et plusieurs chevrons. Lui aussi regarda son supérieur. Il était resté impassible jusqu'alors, mais plusieurs fois, il mordit sa moustache roide. Les deux hommes parurent s'entendre du regard. Le commissaire rendit à l'agent le procès-verbal de l'incident qu'il avait rédigé une demi-heure auparavant dans la salle du commissariat. Le vétéran, toujours silencieux, déchira le papier en menus morceaux. « Bonne femme, vous pouvez vous en aller. » La voix du commissaire tira la vieille de sa rêverie. C'était-il bien sûr qu'il la laissait partir? Les bons messieurs! Et je pourrais retourner au cinéma? Ajouta-t-elle avec anxiété. On me laissera voir tous les soirs, mon petit ? Les deux hommes rirent de sa simplicité et répondirent d'un geste affirmatif. Elle sortit lentement du commissariat. Il ne convenait pas qu'on la vît fuir comme ceux qui ont la conscience malpropre. Mais arrivée dans la rue, elle se convainquit que personne ne les pillait et serrant ses jupes, elle se mit à fuir avec une légèreté juvénile. Sa figure ridée était rouge de fatigue et ses cheveux blancs s'échappaient en désordre du mouchoir noué en pointe autour de sa tête. Quand elle arriva au cinéma, les derniers groupes de spectateurs sortaient. Les employés éteignaient les lumières et retiraient les affiches. La vieille les vit aussitôt fermer les portes. Elle demeura immobile, un coude appuyé au mur, et le front dans une main. Elle pleurait avec un gros chagrin d'enfant. « Attendre jusqu'à demain ?» murmurait-elle. « Être si longtemps sans voir mon petit ?»